Le chauffage marche. Froid. Le chauffage marche, pourtant j'ai froid. J'ai mangé un gros plat de pâtes. Faim. J'ai mangé un gros plat de pâtes, pourtant j'ai faim. J'ai bu un litre d'eau. Soif. J'ai bu un litre d'eau, pourtant j'ai soif. J'ai dormi 9 heures. Sommeil. J'ai dormi 9 heures, pourtant j'ai sommeil. Je n'ai pas beaucoup marché. Mal aux pieds. Je n'ai pas beaucoup marché, pourtant j'ai mal aux pieds.